c'est subliminal d'être rendu phénoménal. Puis ce qui est banal, pour moi ça m'est égal. M'en fous de toutes tes histoires juste pour chialer, râler, bougonner, puis chialer là dans tes bons tirs. Je veux pas péter votre fun, je veux pas péter votre bulle. C'est à mon tour d'être bombe, mon insouciant, je l'encule. Je pète le feu, nom de Dieu, grisé dans le pieu. Je me fonds dans masse, je me creuse une tombe. Je nique ta rage, je suis un putain d'écrivain qui s'en fout du lendemain. Cet album-là, je l'ai pas longtemps travaillé. Anyway, le monde va chialer, vous va pas s'en douter. Les deux facettes des gens, yeah. N'importe quelle façon, vous êtes chialeux, ma gueule. N'importe quoi pour vous épater, vous riez de ma gueule. Les gens s'en foutent des commentaires, ils veulent juste mal faire. Si je te retrouve un jour en faisant pitié, je vais rire de moi, je vais te déchaîner. Puis peut-être qu'un jour, tu vas finir par arrêter. Je suis de retour, chialeux, ma gueule. Pour vous, tous les retours, chialeux, ma gueule. Yeah, yeah. Ceux qui en distraient, chialeux, ma gueule. C'est là nos procès verbaux. C'est rendu, c'est impossible. Faire mes affaires, c'est pénible. On me demande, je suis où, pas le goût de vous le dire tous les coups. C'est en train de me rendre fou. Laissez-moi tomber dans le trou. Ma sentence se purgatoire, j'ai les mains qui deviennent noires. Laisse ça se promène, madame Evan. Sachez que partout, c'est plus la peine de me lâcher mon fun pour une fois. Laisse-moi vivre. Des fois, y'en a des plus jeunes que moi d'esprit qui me disent comment je devrais vivre. Ouais, c'est vrai. Quand je m'habille d'une façon, j'ai l'air d'un pauvre, c'est l'enfer. C'est quoi ton problème, petit con? Laisse-moi d'en faire calvaire. J'ai l'impression que vous prenez toute votre énergie à me contrôler pour vous surmonter. Soyez donc plus vous, oui. Mêlez-vous de vos affaires, je le répéterai pas 10 fois. Je veux faire comme je veux, calvaire. Le problème là-dedans, c'est toi. À cause de ça, j'ai du stress. J'prie pour que tu me lâches, God bless. Laissez-moi donc vivre ma vie. Moi, je vous achète pas, oh oui. Ben oui, je suis de retour. Chialeux, ma gueule. Pour vous, tous les gros tours. Chialeux, ma gueule. Pour ceux qui en disent trop. Chialeux, ma gueule. C'est là de vos procès verbaux. Chialeux, ma gueule. Ben oui, je suis bizarre. De retour. Chialeux, ma gueule. Pour vous, tous les gros tours. Chialeux, ma gueule.